Stephen King aime le harcèlement scolaire, Stephen King aime l'extrémisme religieux, Stephen King a écrit Carrie et David Carson l'a adapté. Bienvenue au vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris comme d'habitude. Salut. Mais une nouvelle fois en ligne puisque le confinement n'est pas terminé. Non, toujours pas. Bon, ça va, tu tiens le coup? Écoute, oui, ça va, et toi? Ça va, on commence à avoir un peu de mal à s'occuper, je trouve, mais bon... On commence à confondre les jours aussi. Aussi, oui, la notion du temps est en train de disparaître petit à petit. Voilà, on porte de moins en moins de chaussettes. Alors ça, moi, toujours, mais bon, chacun son truc. Chacun ses problèmes. C'est ça. Donc, Carrie, c'est un roman qui est sorti en VO en 1974 et en VF en 1976, mais on ne va pas rentrer plus dans les détails parce qu'on l'a déjà fait. Carrie, on avait déjà traité de ce roman en parlant de l'adaptation de Brian De Palma. C'était notre troisième épisode. C'est ça. Donc n'hésitez pas à aller le réécouter si vous voulez en savoir plus sur le roman et sur cette première adaptation. Oui, parce que bon, on n'a rien à rajouter dessus. Hein. Ouais, voilà. Et puis nos avis sur le roman n'ont pas changé entre-temps. C'est ça, donc juste pour rappel rapide, le roman est 7e actuellement de notre classement des livres, et le film tient toujours la première place, donc depuis maintenant ça fait quand même 17 épisodes qu'il tient cette place. C'est ça. Et puis globalement, c'est un roman qu'on apprécie tous les deux sans forcément le mettre au pinacle de la carrière de Stephen King non plus. Voilà, mais c'est un très bon début. Voilà, c'est ça. Quant au film de Palma, par contre, lui, on peut le mettre au pinacle. Ah oui, lui, c'est au pinacle tant des adaptations de King que c'est même parmi les meilleurs de Palma. Voilà, clairement. Donc on va bien voir si cette adaptation réussit à maintenir le niveau. On va en parler tout de suite. Comme d'habitude, nous allons spoiler le livre et le téléfilm. En plus, la fin du téléfilm est assez différente de celle du livre, donc même si vous l'avez lu, si vous voulez garder la surprise, allez le voir avant. Et pour nous, c'est parti. Something has happened at UN High School. Something horrible. Something evil. And one man must find out what it was. See, the going theory is that the three of you conspired to get Carrie White to the prom so you could humiliate her. And then something went wrong and a lot of people were killed. Was it the outsider who kept to herself? Up until half an hour ago, Carrie White thought her first period was homeroom. When she was mistreated. You should have told me, Mama. The girls all make fun of me. Did she just fade away? Shouldn't people like that be homeschooled? You know, creepy religious people. We're very sorry about all this, Cassie. It's Carrie. You want me to take Carrie White to the prom? Carrie, based on a Stephen King masterpiece. See, some people are having trouble believing that you had your boyfriend take Carrie White to the prom out of the kindness of your heart. Reimagined for a new generation. The terrifying story of a girl born of sin. You're trying to be normal. It's evil. You're not going, and that's final. Mom, please sit down and talk with me! Witch. You can't stop me. She finally got her moment in the sun. Fooled again. But this time. The jokes are made. Carrie. Sin never dies. Donc le film Carrie est une commande de la NBC, une chaîne qui a diffusé en dehors de ça des choses qui ne paraissent pas tellement dans le même état d'esprit vu que c'est la chaîne qui diffuse Friends, The Office et le Saturday Night Live. Ouais, c'est un network quand même assez tout public. Hein. Ouais, c'est ça. C'est eux apparemment qui ont diffusé aussi la première série Star Trek à l'époque. Mm-hmm, exact. Si ça a été récupéré depuis par CBS, je crois, maintenant. C'est ça, maintenant c'est sur CBS. Donc ça m'a un peu étonné qu'ils produisent ce Carrie-là, qui qui est très apaisé, qui est quand même très censuré, mais qui reste quand même pas absolument tout public. Mm. Et les deux studios de production, c'est le Trilogy Entertainment Group et la MGM Télévision. King n'a pas du tout été impliqué dans la production de celui-là. En fait, apparemment, on a même conseillé au scénariste de ne pas contacter King, vu qu'il avait tellement détesté Carrie 2, la haine, que la rumeur veut qu'il n'avait plus du tout envie d'entendre parler d'une adaptation de Carrie à l'époque. Ah ouais, complètement. Ouais, apparemment, il était vraiment totalement réticent. Il avait vraiment détesté Carrie 2. Et bah du coup, ça donne encore plus envie de le tirer au sort. Oui, je l'ai en DVD en plus, mais je ne l'ai pas encore regardé. Donc Trilogy Entertainment Group, c'est une maison de production gérée par Penn Densham et John Watson. Donc John Watson qui devait avoir dans les 150 ans à l'époque, hein, parce qu'il enquêtait déjà avec Sherlock Holmes vers les années 1870. Bravo, bravo. Ouais, oh, je pouvais pas m'empêcher de placer une référence à Holmes. Hein. Bah oui, surtout te connaissant. Surtout les bras comme ça. Ah oui, voilà. Et c'est un studio qui a produit des séries comme la version des années 90 de Aux frontières du réel, donc déjà on est un peu plus dans le même domaine là. Et à la production, on retrouve aussi David Livingstone, qui a travaillé comme producteur et réalisateur sur beaucoup de séries Star Trek, à savoir Next Generation, Deep Space Nine et Voyager. Et Steven Gigan, qui a travaillé sur les séries Les 4400, Jeremiah, Au-delà du réel aussi, Lucifer, Snowpiercer, Highlander, la série que je n'ai pas vue. D'accord, ouais, quand même des grosses séries. Ouais, on est plutôt sur des gros sur des grosses séries renommées, quoi. Dans le fantastique, oui. Mm, tout à fait. Et le scénariste Brian Fuller ainsi que le réalisateur David Carson sont aussi producteurs de ce téléfilm. Brian Fuller, qui est donc scénariste et producteur exécutif, il a travaillé aussi sur Deep Space Nine en tant que scénariste, en tant que producteur exécutif sur Voyager, et en tant que co-créateur et scénariste de Discovery. Donc il monte petit à petit dans l'échelle de production des Star Trek. Des séries Star Trek, ouais. Et c'est aussi, attention, le producteur et créateur et scénariste de Dead Like Me, Wonder Falls, Pushing Daisies, Hannibal et American Gods. Et il a été scénariste sur Heroes. Donc il a aussi un très beau palmarès, le mec. Ouais, voilà, encore une fois, des séries plutôt bonne réputation. Mais si on met de côté Heroes, moi je n'ai jamais compris vraiment l'engouement autour d'Heroes, donc bon. Alors je n'ai jamais vu Heroes, mais j'en ai plutôt entendu dire du bien, donc je pensais que c'était une bonne série. Bah disons que la première partie de la première saison est cool, et puis après ça se pète vite la gueule à mon sens. D'accord. Le réalisateur, David Carson, est un réalisateur britannique qui a fait la majeure partie de sa carrière à la télévision. Et en début de carrière, il a travaillé en fait sur la série Sherlock Holmes de la Granada, donc avec Jeremy Brett en Sherlock Holmes, et d'abord David Burke, puis Edward Arbuckle en Watson. Et c'est... pour moi, encore à ce jour, la meilleure adaptation de Sherlock Holmes qu'on ait eue à l'écran, cinéma et télévision confondus. Je trouve Jeremy Brett dingue en Sherlock Holmes. Donc il a fait les épisodes Le Patient en traitement, Le Rituel des Musgrave, L'Escarboucle bleu et Les Six Napoléons. Et les deux derniers, en plus, c'est vraiment, pour moi, parmi vraiment le top de cette série, quoi. Donc rien que pour ça, le mec, je le respecte un peu. D'accord, bon, Sherlock Holmes, je te fais entièrement confiance. Hein. Pour le coup, cette série-là, c'est des adaptations du canon, ils n'ont pas fait de scénarios originaux, mais c'est vraiment génial d'un bout à l'autre, même si sur les dernières saisons, ça baisse un peu parce que l'acteur était très malade. Oui, d'accord. Donc voilà, à voir, la petite recommandation. Je note. Il a aussi travaillé comme un paquet de monde sur ce téléfilm, sur plusieurs séries Star Trek, et sur quelques films, donc le film Star Trek Generations en 94, justement, je l'ai pas vu. Oui, donc le premier film avec l'équipage de Jean-Luc Picard. Ouais, il est bien. Il est bien. Et ses deux autres films ont moins bonne réputation, c'est L'être à un tueur avec Patrick Swayze et Incontrôlable avec Wesley Snipes. Incontrôlable... Je vois pas ce que c'est. Être un tueur, oui, c'est plutôt mauvais, mais incontrôlable avec Snipes, je ne vois pas ce que c'est. Je vois pas, j'ai pas vu non plus, mais apparemment ça a pas super bonne réputation, quoi. On s'en passera. Comme une grande partie de la filmographie de Wesley Snipes, tu me diras. Ouais, en même temps, c'est vrai que déjà de base. Voilà. Bah, mis à part Blade 2, bon, voilà. Ouais, Blade 1, ça se regarde. Oui, c'est vrai, il est pas mauvais. Alors, au départ, le téléfilm a été conçu comme une histoire individuelle, mais qui aurait pu potentiellement, en cas de succès, donner lieu à une série télé, ce qui explique le très gros changement à la fin du téléfilm. Ce changement, c'est que Carrie survit à la fin. Ouais. Elle s'en va sur les routes, elle est prise sous son aile par Sue. Par Sue. Par Sue, ouais. D'après le scénariste Brian Fuller, c'était une volonté du studio de production, la MGM, qui souhaitait pouvoir capitaliser sur un éventuel succès. Et d'ailleurs, au départ, il y avait aussi toute une intrigue secondaire avec une détective qui enquêtait sur des phénomènes paranormaux dans la ville, qui aurait dû aussi réapparaître s'il y avait eu une série. Et Brian Fuller avait fait aussi tout un résumé très détaillé de l'épisode qui aurait suivi, mais la NBC n'était absolument pas partante pour diffuser une série, donc le projet a été abandonné. D'accord. Pendant une période, apparemment, Fuller avait aussi envisagé que Carrie transmette ses pouvoirs à Sue, justement, avant de mourir, pour conserver plus ou moins la fin du livre, mais pouvoir avoir la série. Mais il aurait trouvé ça trop cruel de tuer le personnage comme ça. Oui, puis c'est étrange comme décision. Tu t'es attaché à Carrie, autant la garder et en faire une série après. Ouais, voilà, une fois que t'en es là, une fois que t'as décidé de faire la série, autant la faire avec Carrie, oui. C'est ça. Si tu prends la décision de plus être fidèle au canon, bah autant ne plus l'être à fond, quoi. Oui, je suis assez d'accord, pour le coup. Puis pour le coup, une série Carrie, pourquoi pas, ça pourrait. Oui, à première vue, ça me paraissait un peu étrange, mais je me dis, c'est comme la série Dead Zone, en fait, je pense que ça aurait été à peu près dans le même état d'esprit. C'est ça, c'est un épisode, une petite histoire dans un bled paumé des US, et puis voilà. Avec en plus la possibilité de creuser la culpabilité de Carrie, donc pourquoi pas ça. Ça aurait pu, mais bon, voilà. Fuller avait envisagé son téléfilm comme un remake de l'original de De Palma, ce qui explique, je sais pas si t'as fait gaffe, qu'il y a certains trucs qui sont dans ce téléfilm et qui viennent de De Palma, mais qui sont pas dans le livre de base. Oui, exact. Notamment ce dialogue autour de la couleur de la robe de Carrie, quand donc elle a une robe rose, et quand sa mère rentre, elle lui dit « rouge, j'aurais parié sur du rouge », et Carrie lui répond « non, mais elle est rose ». Et ça, en fait, c'est pas présent chez King, c'était présent chez De Palma, par contre. Ouais, exact. C'était présent d'ailleurs plus ou moins involontairement chez De Palma parce qu'ils n'avaient pas fait de robe rouge, je sais plus pourquoi, pour tourner la scène, et donc ils ont été obligés de rajouter ça. Mais il voulait rendre son film plus épique sans avoir le sentiment de conte de fées, tel qu'il le dit, du film de De Palma. Et il voulait aussi une Carrie qui soit plus active, qui ne soit pas simplement une victime totalement passive, comme l'était Sissy Spacek pendant la majorité du film de De Palma. Fuller dit aussi que sa vision de la religion est plutôt négative, il a lui-même été éduqué dans un contexte religieux, mais il s'en est beaucoup éloigné, et que le scénario initial était beaucoup plus clair sur ce point de vue. C'est l'acteur David Kiss qui joue le détective qui interroge Sue Snell et tous les survivants du bal, qui lui avait dit qu'il était lui-même croyant et qu'il aurait bien aimé qu'il y ait au moins une scène où un personnage exprime une opinion sur ses croyances sans passer pour un dingue. Et c'est pour ça qu'il y a une scène, notamment, où Carrie se montre beaucoup plus modérée que sa mère sur son avis sur la religion. Et effectivement, c'est peut-être pas une mauvaise idée de pas être juste dans « tous les religieux sont tarés ». Oui, effectivement. Alors, au casting, on passe au casting, on retrouve deux actrices qu'on a déjà rencontrées. Il y en a une que t'as peut-être reconnue. Alors, il y en a pas mal que j'ai reconnu, parce qu'il y en a pas mal que j'ai connu d'autres séries. Alors oui, mais que t'as reconnu d'un épisode qu'on a déjà fait, celle qui joue Sue Snell. Oui, qui vient de Battlestar Galactica, et que du coup... Ah merde, c'est dans quoi qu'on l'a vu déjà ? C'est pas dans un chef-d'œuvre. Attends, c'est dans quoi qu'on l'a vu ? Ah mais oui, c'est dans Les Enfants du Maïs, bien voilà, entendu. Joue, c'est la femme, Vicky, c'est la femme du protagoniste. Ouais, elle s'appelle Vicky, dans Les Enfants du Maïs. Voilà. De Donald Pebershers. Et du coup, qu'on a revu après dans Battlestar Galactica et dans divers autres petits rôles. C'est ça. Donc, si vous voulez réécouter, c'est notre cinquième épisode. Attention, chef-d'œuvre, hein, on prévient tout de suite. Ah ouais, Borcher au sommet de son art. Hein. Et l'autre actrice qu'on a déjà rencontrée, alors je l'avais mentionné à l'époque, mais il faut vraiment le savoir, c'est Jodelle Ferland qui joue la petite Carrie. dans la scène de flashback, et c'est la Marie de Kingdom Hospital. Oui. Mais bon, alors il y a que quelques années entre les deux, mais elle a dû passer de 5 à 9 ans, donc je l'aurais pas reconnue si je l'avais pas suivi. Oui, voilà, c'est ça, elle est un petit peu méconnaissable quand même. Mais c'est aussi une tranche d'âge où tu grandis assez vite. Bah, c'est ça, oui. Le rôle de Carrie est tenu par Angela Bettis, qui a commencé sa carrière sur un film italien, ça m'a un peu étonné, d'un réalisateur qui s'appelle Franco Zeffirelli, ça s'appelle Mémoire d'un souvenir. Super titre. Le titre est joli. Le titre est plutôt joli, ouais, un peu étrange. Depuis, elle a continué à jouer, un peu au cinéma et à la télévision, sur un film qui s'appelle May, par exemple, qui est apparemment assez réputé. Ça te dit rien, toi ? C'est un film d'horreur, il me semble, non ? Ouais. Je vois l'affiche, mais je ne l'ai pas vu. Il y a encore quelques jours, je voyais quelqu'un sur Twitter qui en disait beaucoup de bien. Donc ça me tente un peu. Et c'était justement juste avant Carrie qu'elle a tourné May. Mmh. Et elle a aussi beaucoup œuvré comme productrice et réalisatrice sur un film qui s'appelle Roman, et elle a fait un des segments de The ABC of Death. Oh, c'était nul. Pardon. Ah, c'est totalement nul, The ABC of Death ? Ah, enfin, moi, j'ai... Si, il doit y avoir... Sur les 24 segments, il doit y en avoir, allez, 4 ou 5 qui sont bien. D'accord, 24, il n'y en a pas 26 ? Ah oui, bah oui, 26, je suis con. Oui, ça me paraît plus cohérent. Mais, oui, non, ça vaut pas grand-chose. Hein. Ils en ont fait une suite qui est pareil, c'est nul. D'accord, ah merde. Parce que c'est plutôt le principe qui me semblait sympa. Bah le principe est cool, mais vraiment, après, bah c'est pas terrible, quoi. D'accord. Alors, en interview, elle a aussi clairement dit, Angela Bettis, qu'elle avait pris ce rôle pour l'argent, surtout dans l'hypothèse où une série télé se serait faite, ça aurait été des revenus récurrents. Et elle l'a avoué assez vite, hein, parce que j'ai trouvé ça dans une interview qui date de même pas 2 ans après la sortie du téléfilm. Ah oui, d'accord. Son but, c'était de pouvoir continuer à jouer dans des petites productions indées à côté, bah, des trucs comme May, justement, tout en ayant une source de revenus stable, même si ça lui plaisait pas forcément trop artistiquement. Et ouais. Elle avoue qu'elle-même n'aurait jamais regardé un remake de Carrie si elle n'avait pas joué dedans. D'accord. Sa mère est jouée par Patricia Clarkson, qui a joué la femme d'Eliot Ness dans Les Incorruptibles de Palma. Ouais. Mais qui a une filmographie longue comme le bras. Hein. Oui, oui, elle a une. Donc je vais citer que ceux que j'ai vraiment vus. Les notables, en ouais. Fait. C'est la comparse féminine de Clint Eastwood dans La Dernière Cible. Donc pas un chef-d'œuvre, mais voilà. Elle a joué dans Dogville, dans Shutter Island, dans Vicky Cristina Barcelona et Whatever Works de Woody Allen. Et en plus gros rôle, c'est elle qui joue la sœur de Ruth dans Six Feet Under. Six Feet Under que je n'ai pas vu, alors que c'est une série très renommée. Ah oui, oui, c'est très très bien pour le coup, Six Feet Under. Okay. Ah bah voilà, donc du coup encore une série que tu as vue et que je n'ai pas vue. Ouais, c'est assez rare hein, quand même. Ouais bah tous les épisodes ça arrive et tous les épisodes on dit que c'est assez rare donc au bout d'un moment c'était plus rare. Faut croire qu'on parle pas des séries que t'as vues toi en fait. C'est juste un hasard. C'est vrai, c'est ça. Et on la retrouvera nous dans La Ligne Verte où elle joue la femme du directeur de la prison, celle qui a un cancer et qui est en train de mourir. Ouais. Et que John Coffey va aider. Parce que c'est un brave gars. Ah oui, ça. Il fait pas le café mais c'est un brave gars. Bravo. Dans le rôle de Miss Desjardins, on a Rena Sofer, qui a eu un des rôles principaux de la série Hôpital Central dans les années 90, et depuis 2013, elle a un rôle important dans Amour, Gloire et Beauté. Bon, est-ce que c'est bien la peine de s'attarder ? Elle a un petit rôle dans Chicago PD aussi, dans les toutes séries récentes. D'accord, voilà, je connais pas histoire du tout de Chicago PD. Pour le... Histoire de citer une série d'aujourd'hui, quoi. Et le seul autre acteur un peu important avec une grosse filmo, j'ai l'impression, c'est David Kiss, donc qui joue le flic justement, qui a une très grosse filmographie mais dans des seconds voire troisième rôles. Il joue notamment le père de Matt Murdock dans le film Daredevil, par exemple. Et par contre, un de ses rôles principaux qu'on retrouvera, c'est qu'il joue le père de Charlie dans Charlie. D'accord. Donc on le reverra lui aussi. Et toi, tu me disais qu'il y en avait d'autres que tu avais reconnus ? Bah oui, t'as aussi Émilie de Ravin, qui joue, alors j'ai oublié son nom, le personnage de la méchante, de l'antagoniste. Chris. Voilà, le rôle de Chris, bah, qui Émilie de Ravin, qui jouait Claire dans Lost. Ah, bah j'ai loupé ça, tiens, en faisant... Bah, qui est quand même une grosse série qui a marqué son temps. Oui, non, mais j'ai loupé ça en faisant les filmographies, parce qu'effectivement, c'est plutôt une grosse série, donc j'aurais pu le noter. Donc oui, elle a joué dans Lost, elle a joué dans dans Public Enemy de Michael Mann, dans La colline à des yeux d'Alexandre Aja. Oui, dans le remake. Ça, voilà. j'avais vu passer, effectivement, elle joue la fille. Une série anecdotique, mais bon, qui a marqué les esprits quand même, c'est Once Upon a Time, elle joue le rôle de Belle dedans. Effectivement, ça m'a toujours l'air un peu nul comme série, non? Eh ben, j'ai tenu jusqu'à la fin de la saison 2, et après j'ai dit non, c'est nul. J'ai arrêté. C'est déjà pas mal, hein, deux saisons. C'est déjà pas mal. Mais voilà, elle avait un petit rôle, je crois, dans Roswell aussi, mais là, je suis moins sûr, j'ai pas vu Roswell. Mais quand même, on la retrouve un petit, on peut la retrouver dans pas mal de petits trucs. D'accord, donc oui, effectivement, j'aurais pu la mentionner. Désolé de cet oubli. Bah, mais tu n'y es pour rien, mon ami. Dès que c'est les acteurs télé, j'ai plus de mal à discerner ce qui est important ou pas, étant donné que, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, je regarde quand même très très peu de programmes télé, au final. Oui, voilà. Le directeur de la photo, c'est David Gross, qui a fait presque toute sa carrière à la télévision, et ici, bah, c'est pas top, hein, ce qu'il fait, on va être honnête. Ah non, là, il brille pas c'est du tout. C'est même dégueu, par moments, dans les scènes de commissariat, je trouve ça vraiment moche. Ah bah, avec un filtre vert dégueu, on dirait du Michael Bay, mais du pauvre. Ouais, c'est ça, ou c'est des fois Michael Mann aussi utilisait des filtres, mais lui le faisait mieux dans l'ensemble. Bah, les trois gros utilisateurs de filtres, c'est Michael Mann, Bay et Tony Scott. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que le commissariat, c'est un mix entre du Michael Bay et du Tony Scott, mais des mauvais Michael Bay et des mauvais Tony Scott. Ouais, et pourtant, c'est pas toujours beau chez Michael Bay, déjà. Voilà, c'est ça. Le film est tourné à partir du 12 juin 2002 à Vancouver, et le tournage dure apparemment environ un mois. C'est peu. Pour du téléfilm, ça me paraît pas normal. Ah ouais? C'est des séries télé, ils tournent un épisode à la semaine, hein, ensemble. Ouais, c'est pas faux. C'est pas énorme, effectivement, mais ça me paraît pas non plus minuscule, quoi. Mmh. Dans les anecdotes de tournage, je peux signaler que Fuller a dit en interview que les clignements d'yeux de Carrie pendant la scène du bal ont été supprimés par effets spéciaux, parce qu'il faut croire que c'était trop dur de lui demander de ne pas cligner des yeux pendant les scènes. Comment balancer de l'argent par les fenêtres. Ah oui, quand même, effectivement. Oui, d'accord, je vois le genre. Ouais. Et j'imagine que j'aurais pu en apprendre plus si j'avais eu accès aux commentaires audio de David Carson, mais il est sur une édition US du DVD et c'est pas la bonne période pour commander ce genre de choses. Oui, et puis faut avoir le prix, parce que t'as peut-être pas envie non plus de mettre 20 balles là-dedans. Ouais, parce qu'en plus, je crois que c'est que sur l'édition collector en bundle avec Carrie 2, la haine. Et bon, ah, bah, super. Voilà, quoi, j'ai déjà Carrie 2, la haine, je vais pas balancer 20 euros pour ces deux trucs. Enfin, faut pas exagérer. Non, voilà. Mais je pense qu'on peut passer à nos avis. Alors, il me reste juste la compositrice à mentionner, Laura Cartman, très active à la télévision, sur des téléfilms et sur des séries que je ne connais pas du tout. Quelques travaux dans le jeu vidéo aussi. Ah. Elle a fait pas mal de documentaires aussi, ce qui lui a valu certaines nominations aux Emmy Awards tout de même. Sur Carrie, je suis vraiment pas fan de son travail. En fait, je trouve ça ultra rentre-dedans. C'est de la musique bourrine, en fait. C'est exactement ce que tu t'attends à entendre dans ce contexte. En mode bourrin, pas très subtil et assez cliché. Ah, l'ambiance musicale pendant le bal est horrible. Ouais, c'est ça. Et il y a des espèces de travaux rythmiques, de cordes synthétiques, parce qu'il n'y a pas eu de quoi prendre un orchestre. Et ça rend pas top, je trouve. Non mais de toute façon, depuis tout à l'heure, on dit le directeur photo, c'est quelqu'un de renommé, elle aussi... Photo, il a beaucoup travaillé, mais rien de très bien longtemps. Ouais, enfin, quoi qu'il en soit, tous, ils ont décidé de pas mettre leur talent dans cette nouvelle adaptation de Carrie. Oui, j'ai l'impression. Après, dans son cas, elle, vu que j'ai rien vu d'autre de ce qu'elle a fait, si ça se trouve, rien n'est terrible. Hein. Elle a oui, c'est fait vrai, beaucoup tu me de trucs, mais rien de bien. Et la majorité des chansons qu'on entend, des chansons pop, sont d'un groupe qui s'appelle Hypnogaja. Le film est classé TV-14 aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent d'un PG-13. Il est diffusé donc le 4 novembre 2002, vu par 12,21 millions de personnes, donc ce qui est un des meilleurs scores de la soirée, et même le meilleur score chez les femmes de 18 à 49 ans. Super. La réception critique est plutôt mauvaise. Oui. Les performances des actrices et acteurs sont soulignées, on dit qu'à peu près tout le monde joue bien, mais il y a des grosses critiques envers les effets spéciaux, la réalisation et la longueur excessive du film, ainsi que sur le manque d'ambiance, certains accusant, à juste titre d'ailleurs, les coupures pub d'être en partie responsables de ça. Ah oui, complètement. Il y a quelques bonnes critiques dans celle du New York Times, qui dit que le changement de la fin était une plutôt bonne idée, et actuellement il a 20% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 16e du classement de tout ce qu'on a vu, et 3,1 étoiles sur Allociné, ce qui le place 4e ex aequo de tout ce qu'on a vu pour le moment sur Allociné. Eh ben dis donc. Et Brian Fuller a lui-même dit en interview par la suite qu'il trouvait que c'était un film trop long et que trop peu d'argent avait été mis pour faire des effets spéciaux qui tiennent la route. Et ça se voit. Et ça se voit. Ça se voit. Oh mais bordel. Maman. Que s'est-il passé? Le Seigneur a jeté sa colère sur la sorcière. Elle subira sa malédiction toute sa vie. Je ne suis pas une sorcière, maman. Dis-moi ce qui m'est arrivé, je t'en prie. Tu as été faible, Carrie. Je t'avais dit que le péché croiserait ta route. Je ne me souviens plus. Je ne sais plus. Aide-moi. On va prier. Je pense qu'on peut en effet en passer à nos avis, et comme d'habitude, je te laisse la main, Christopher. Écoute, le film s'ouvre avec un effet spécial, justement, de météorites qui tombent sur la maison, et c'est d'une horreur incroyable, avec le titre qui apparaît. Faut admettre que le début est dur, je me suis beaucoup, beaucoup inquiété en voyant ça. Parmi les petits trucs en plus qu'on retrouve pas chez De Palma, bah, y a tous les interrogatoires policiers, et notamment tout ce qui est déclaration et témoignage. Tout ça, ça y est. Bah, par exemple, quand Carrie est gamine et qu'elle va voir sa voisine qui est en train de bronzer, voilà, ça c'est un passage qui est pas chez De Palma. C'est des trucs plutôt appréciables parce que ça permet de développer le personnage, donc pourquoi pas. Je suis plutôt d'accord avec l'ensemble des critiques qui disent que les acteurs sont pas mauvais, parce que effectivement, il n'y a pas grand chose à leur reprocher. Si ce n'est le copain de Chris, qui lui, je trouve, est dans le surjeu mais constant. Bah, disons que le copain de Chris, j'ai eu l'impression qu'il essayait un peu de se la jouer John Travolta, qui tenait son rôle dans l'original, sauf que John Travolta sait cabotiner. C'est ça. Parce que là, on a clairement un mec qui imite un mec en train de faire le super vilain. Et du coup, ça rend totalement ridicule à l'écran. Mais pour le coup, c'est le seul qui vraiment joue comme une patate. Les autres s'en sortent vraiment bien. Oui, notamment la mère et Carrie, je trouve qu'elles sont très très bien. Et même Sue, elle arrive à être touchante, je trouve. Sue, Émilie de Ravin, donc Chris, pareil, elle se débrouille bien. Oui. La prof de sport aussi, qu'on voit pas beaucoup, mais qui joue plutôt bien. Ouais. Même celui qui joue Tommy, je l'ai trouvé assez mignon dans sa relation, tant avec Sue qu'avec Carrie. Par contre, la réalisation, c'est catastrophique. On croirait voir une telenovela sans budget, quoi. Il y a un ou deux moments où je trouve que ça marche, en fait, quand ça filme justement des moments plus calmes entre les personnages, des moments de tension aussi, de dispute. Par exemple, la scène où le père de Chris va menacer le proviseur et la prof de sport de leur faire un procès, je trouve qu'elle est pas mal filmée, il y a un certain dynamisme dans la manière de manier la caméra et les plans. Mmh. À la limite, certaines scènes entre Carrie et sa mère fonctionnent aussi, mais dès que c'est une scène de groupe, c'est pas possible. La scène où Carrie ouvre son casier avec tous les tampons qui tombent et que tout le monde est hilar, c'est filmé n'importe comment. Bah, déjà, moi, ce qui m'a posé problème dans cette scène, c'est combien il y a de tampons dans son casier, quoi. C'est ça, c'est un trou sans fond, le 10 truc. 10 kilos, quoi. Où est-ce qu'elles les ont trouvés? Ah, c'est soit ça, soit c'est le casier à Mary Poppins, hein, on sait pas. Parce que bon, t'as l'impression que ça tombe à l'infini, quoi. Ouais, ça se renouvelle d'ailleurs quand plus tard la prof balance des tampons sur les élèves pour leur faire voir ce que c'est dans les vestiaires. Il y a à peu près le même effet, t'as l'impression qu'elle en a 3 tonnes. Alors qu'elle a juste un petit sac de sport. Ouais. Bon bah ça coûte son prix les tampons, c'est une plainte qui revient assez souvent à très juste titre. Oui. De la part des femmes, ça coûte son prix, donc elle a dû débourser 200 $ juste pour faire ce geste un peu cool à ses élèves. C'est une prof vachement impliquée. C'est ça. La scène du bal est horrible. Ouais. Vraiment, elle est... Bah, en fait, elle est ridicule, tout simplement. Alors que c'est le climax du film, c'est là où la tension devrait être à son comble. De toute façon, dans le film, il y a aucun moment de tension, à chaque fois c'est totalement raté. Mais la scène du bal, c'est ridicule tout simplement. Tout le monde s'agisse, la caméra, le caméraman fait des mouvements de lui-même pour mimer la catastrophe. Et puis voilà, on sent aucun impact, il n'y a aucun effet visuel qui soit un tantinet violent et qui du coup te fasse ressentir la moindre douleur pour les personnages. Non, c'est raté quoi. Ouais. Même la musique, comme on l'évoquait, tout est raté dans cette scène. Bah, ce qui est paradoxal, on va essayer de pas comparer à De Palma, mais là, ça m'a quand même un peu frappé, c'est que cette version veut réintégrer toute la destruction de la ville qui vient après, donc quelque chose de beaucoup plus épique. Le problème, c'est que comme il n'y a pas tellement de budget, ça au final, en fait, ça a l'air vraiment miséreux, et même la scène du bal, je trouve qu'elle a l'air 10 fois plus miséreuse que chez De Palma, alors qu'à mon avis, De Palma avait moins d'argent, quoi, mais il avait mieux réussi à créer un sentiment de foule, un vrai sentiment de panique. Là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a 10 personnes dans le gymnase la plupart du temps, et que les feux, c'est juste des petits foyers isolés, pas bien dangereux. C'est ça, et puis quand on nous montre des lampions qui tombent du sol, bah ils tombent sur personne, ils se fracassent tout seuls contre les murs, tu fais bah ça fait aucune victime en fait ton bal là. Ouais, et les chocs ont pas l'air particulièrement violents quand ils se font frapper par les panneaux et compagnie. Bah oui, la nana qui se prend le panneau de basket sur le coin de la tronche, bah tu rigoles en fait. Ouais, c'est ça. T'as vraiment l'impression qu'elle se prend juste un truc en plastoc et puis basta. Alors moi, pour revenir sur quelque chose que tu as dit, le fait de réintégrer les interrogatoires de police, je trouve que c'est qu'à moitié une bonne idée, parce que oui, c'est quelque chose qui était chez King, et ça prépare clairement la version série télé, je me dis que le flic serait probablement aussi revenu comme antagoniste potentiel. Mm-hmm. Le problème, c'est que en fait, ça vient toujours couper la tension. C'est-à-dire oui. les quelques moments où ça arrive à installer un peu une ambiance, je trouve que les interrogatoires de police viennent totalement faire retomber ça. Alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, des moments où il y a une ambiance. Il y a un moment, niveau ambiance, que je trouve réussi, c'est le moment où Carrie teste ses pouvoirs et où à un moment elle repousse sa mère qui rentre dans la chambre et elle la vire par télékinésie. Oui. Ce passage-là est plutôt réussi. Les scènes où Carrie s'entraîne aussi, celle avec la brosse, même ça, je trouve ça sympa, oui. Ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que De Palma avait pas du tout montré, par contre, ouais. Le côté entraînement de Carrie. Bah, ce qui est un peu absurde, en fait, dans le film, c'est qu'on la voit s'entraîner, mais par contre, pendant la scène du bal, elle est clairement dans un état de transe où elle contrôle pas du tout ce qu'elle fait. Et c'est ça qui est étrange, c'est que dans la version De Palma, on voit que c'est elle qui contrôle et qu'elle se venge réellement. Puisque c'est vraiment elle qui dirige les portes qui se ferment, les lumières qui tombent, les stores qui écrasent les gens. C'est elle qui dirige tout dans la version de Palma. Alors que là, elle est juste au milieu de la scène et elle fait rien. Oui, ce qui, je pense, était un peu pour rendre Carrie moins criminelle. Parce que c'est vrai que si on compte en faire l'héroïne d'une série après... Si elle a clairement, volontairement tué tout le monde, même par vengeance, ça complique quand même l'attachement envers elle. Mmh. Mmh. Je pense que c'était pour ça. Oui, j'avais pas vu ça sous ce point-là, c'est vrai. Et oui, le moment où ça m'a un peu vraiment dérangé, la structure en flashback, c'est justement pendant les scènes de bal. À un moment, il y a un flashback alors que Carrie est sur le podium avec Tommy, je crois. Oui, exact. Enfin, un flash-forward plutôt, d'ailleurs. Et ça coupe complètement. À ce moment-là, il faut rester dans l'attention, bien montrer le bonheur de Carrie. D'ailleurs, cette scène, je la trouve totalement ratée, en partie parce que, pour moi, elle anticipe la catastrophe au niveau de la musique et au niveau de la réalisation beaucoup trop. En fait, il n'y a aucun moment où on ressent le bonheur de Carrie, vraiment. Oui, on insiste beaucoup trop sur la farce, entre guillemets, qui s'apprête à arriver. C'est ça, tandis que chez De Palma, ça se passait en plusieurs temps. Il y avait d'abord la scène idyllique de danse, et après, il y avait le plan séquence interminable pour remonter le long de la corde, et c'est là que ça dégénérait. Mmh. Et puis, la scène de bal dure 3 plombes. Pas que le passage chaotique, hein, vraiment toute la scène de bal à partir du moment où ils arrivent à l'école. Oui. Ça dure, mais 3 plombes. Après, il y a des moments sympas. Quand elle interagit avec ses camarades et qu'on sent un peu de gêne, mais en même temps la volonté d'aller vers elle, de se rapprocher, ça j'ai trouvé ça sympa. Ouais, mais ça n'avait pas lieu de durer 30 minutes. Certes. Parce que ça dure vraiment quasiment 30 minutes. Oui, à peu près, ouais. C'est vraiment très très long. Globalement, le film souffre de beaucoup de longueur. Il y a pas mal de moments où tu regardes ta montre, quoi. Oui, clairement, c'est un peu longué. Ça, je suis d'accord avec ceux qui l'ont trouvé trop long. Et je pense notamment que tout ce qui est flash forward, il aurait fallu les faire sauter parce qu'au final, ils apportent rien à l'intrigue. Bah, ça, c'est malheureusement le souci de vouloir à chaque fois coller et être ultra fidèle au roman que t'adaptes, quoi. Ouais, je sais pas si c'est une histoire de fidélité ou vraiment cette envie d'installer des jalons pour la suite. J'ai pas réussi à déterminer. Ouais, le haut de passage ridicule, là. Encore une fois, à cause du personnage qui reprend le rôle de Travolta, quand ils vont récupérer le sang de cochon, donc quand ils butent le cochon, oui. Il est totalement en transe, en train de s'acharner sur la pauvre bête. Oui. C'est totalement ridicule. C'est dommage parce que c'est une des seules musiques qui fonctionne bien, je trouve. Non. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que la musique fonctionne bien, alors que tout le reste est nul. Et du coup, quelque chose qui participe à cette nullité, on revient à la chaîne qui a diffusé le programme. On l'a dit, c'est une chaîne tout public, ce qui fait que cette adaptation est une adaptation plutôt tout public et qu'il n'y a quasiment aucune effusion de sang, aucune effusion de violence. Ouais. Et ça renforce le côté ridicule du bal, du massacre du cochon et de toute cette scène-là. Ah, ça le renforce dans la mesure où on sent que ça n'a pas été fait parce qu'ils ne pouvaient pas le faire pour des raisons de censure. Un réalisateur qui aurait eu plus de temps, peut-être plus talentueux, mais visiblement David Carson a quand même un certain talent, aurait pu réussir à contourner ça, à faire plus suggestif, mieux oui, ou à mieux rendre les impacts, voilà. Alors justement, ça me pose aussi problème dans la scène des douches, qui en fait est totalement le cul entre deux chaises, parce que ça essaie de reprendre, j'ai l'impression, le côté un peu érotisant de la version de Palma. Ouais, en même temps, voyeur. Comme ça peut pas être voyeur, on a l'impression de voir un peu une scène de cul de première partie de soirée sur M6, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, un téléfilm érotique un petit peu foireux. Je demandais pas justement à ce qu'on aille vers l'érotisme, hein, pour un truc télé, j'aurais plutôt vu quelque chose justement de pas du tout érotisant dans ce moment-là, mais si on fait de l'érotisant, faut y aller vraiment complètement, quoi, faut pas être dans une espèce de truc limite hypocrite, où on montre rien, mais où on te suggère, enfin... Ça m'a fait très bizarre, cette scène. Oui, je te rejoins. Et dans les moments un peu ridicules qui m'ont bien fait marrer quand même, c'est quand Carrie part avec Tommy et que t'as sa mère planquée dans les buissons. Ah oui. Ça fait très Halloween, ça fait très Michael Myers qui attend le retour ouais, de sa victime. Ça, mais Michael Myers du pauvre. C'est ça. Pourquoi est-ce que tout à coup tu t'intéresses à moi? Tu m'as toujours ignoré, tu m'as jamais parlé jusque-là. Et je crois que tu m'aurais pas adressé la parole aujourd'hui si les autres filles avaient été là. Tu sais, Carrie, si ça te fout la trouille, ne va pas à ce bal. C'est pas ça, je suis très heureuse d'y aller. Mais je voudrais y aller parce qu'on m'aime bien et non pas parce qu'on a pitié de moi. Mais il ne s'agit pas de pitié, tu te trompes. Je n'ai pas pitié de toi, voyons. Si, je le sens. Je sens que tu as pitié de moi parce que tu te trouves mieux que moi. Si c'est ce que tu penses, t'as tort. Tu peux le dire. Tout le monde le dit. Mais c'est pas pour ça que c'est vrai. J'aime beaucoup cette couleur. Oui? Merci, j'aurais pas su quoi choisir sans toi. Autre scène ridicule à cause des effets spéciaux, quand Carrie s'énerve, dans le flashback où elle est enfant et où il y a la pluie de météorites, vraiment la pluie de météorites qui est ridicule. Parce oui, que totalement. C'est ridicule parce que les météorites sont mal faites. Et c'est ridicule parce que dans la rue, t'as 3-4 pélos, quoi. ça se voit vraiment que ça a été tourné avec 3 francs 6 sous, quoi. Puis encore une fois, ça veut trop en faire. Normalement, c'est des cailloux qui tombent sur la maison. Oui. Là, c'est vraiment des météorites. Je suis pas un adepte du réalisme à toute épreuve, mais normalement, un tout petit caillou qui tombe comme ça de la stratosphère, mais y a plus de rue, en fait. Ah oui, voilà. Et là, c'est des vingtaines, quoi, qui tombent. C'est ça, et qui font juste des petits trous. Voilà, et qui sont pas de la taille de cailloux, qui ont vraiment des tailles de ballons de volley, quoi. Ouais, donc normalement la rue, toute la rue est atomisée au moindre impact, un truc comme ça. Voilà. Et puis on va continuer un petit peu avec les effets spéciaux, mais la destruction de la ville à la fin, avec les voitures qui s'envolent, les palissades qui se plient, c'est de la cinématique PlayStation 2, quoi. Ouais, au c'est bout ça. D'un ben, les effets spéciaux, au bout d'un moment. Budget, hein. Au bout d'un moment, les gars, il faut faire avec les moyens du bord, quoi. Si t'as pas les moyens, tu le fais pas. C'est dommage parce que, là, parce que les plans c'est ridicule. Où elle avance dans la rue et où il n'y a pas d'effets spéciaux, avec les feux qu'on voit un peu autour, ils sont assez jolis pour le coup. Ouais, avec les feux autour, avec la petite brume aussi qu'il y a dans la rue, ça rend plutôt bien. Et c'est vraiment tout le reste, en fait, qui entache la scène. Mm. Et c'est pareil, c'est le passage où Chris et son gars lui foncent dessus en voiture, bah c'est pareil, c'est ça rend mal, quoi, c'est ridicule. Oui. Oui, carrément, on sent qu'il n'y avait pas de budget cascade non plus. Quand elle envoie la voiture valdinguer sur l'arbre, mais... Surtout qu'à chaque fois, voilà, ça veut en faire des tonnes, quoi. C'est ça. Juste la voiture qui fait des roulés-boulés et qui prend feu, ça aurait suffi, il n'y avait pas besoin de la fracasser contre un arbre comme ça. Bah comme dans la version de Palma, quoi, en fait. Oui. Ou pareil, le passage où elle rentre chez elle et qu'elle envoie valdinguer l'enfant qui est sur le vélo. Oui, qui est catapulté, le gamin. Il fait un vol plané, tu fais wow. Mais à chaque fois ça en rajoute, même au début quand elle est dans le bureau du principal, normalement c'est un cendrier qu'elle fait tomber, là c'est oui, un là, bureau c'est de 3 tonnes qu'elle déplace. C'est ça. Donc je sais pas si c'est une volonté de vraiment en faire plus, ou si c'est une volonté de pas faire comme le De Palma avait fait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un peu des deux, c'est comme le disait le scénariste, c'est une volonté de faire un truc un peu plus épique. Ouais, enfin bon, il y a épique et épique, hein. Ouais, là c'est du épique de prise unique, on est d'accord. Mais... Voilà, du épique, si ça rend mal, bah non, c'est pas épique, c'est ridicule. Ah oui, je l'avais noté, alors je suis pas bon en physionomie, mais j'ai trouvé que sur certains plans, l'actrice Angela Bettis avait des petits airs de Mia Wasikowska. Ah, maintenant que tu me le dis, oui, effectivement. J'avais pas tilté, mais maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai. Ça apporte rien à son jeu, mais ça m'a juste fait tilter en le voyant. Mais elle est bien choisie, par contre, je trouve. Oui, et puis bah, justement, je trouve qu'elle fait, là pour le coup, on retrouve l'intention de faire une carrière un peu plus active, très clairement consciente que tout le monde se fout de sa gueule et qu'il veut pas, elle le dit à un moment, j'ai pas envie de me laisser faire, quoi. Il y a des limites. C'est ça. Quand Tommy l'invite au bal. Donc je trouve qu'elle, pour le coup, elle joue vraiment bien, et rien que pour elle, et pour Sue aussi, ça aurait été sympa de voir une série télé, effectivement. Mmh. Parce qu'en plus, on s'attache plutôt bien à ces deux personnages-là, donc effectivement, ça aurait pu être cool en série. Mais bon. Il y a quelques moments que j'ai trouvé plutôt rigolos, mais les touches d'humour, sinon, sont plutôt rares. Il y a eu le moment où, quand Tommy arrive et que Carrie était en train de soulever les meubles dans son agitation, et qu'il entend un gros fracas de tout qui est en train de retomber à l'intérieur... Ça, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Et l'anecdote de la prof sur son propre bal de promo, elle m'a fait rire aussi. Et t'as le... Ah oui, effectivement, oui, cette scène-là est rigolote. Et t'as aussi le passage où, quand ils arrivent au bal, t'as une autre étudiante qui lui fait des compliments. Sauf qu'elle lui fait des compliments en mode un petit peu grossier, et donc Carrie comprend pas trop ce qui se passe. Oui, et t'as Tommy qui est obligé de lui dire que c'est des compliments. Voilà, ça c'est plutôt rigolo comme scène, ça fonctionne bien. Bah, voilà, en fait, globalement, il fonctionne bien quand il se penche sur les relations entre ces personnages. C'est clairement la grosse réussite du téléfilm, vu que les acteurs et actrices sont bien. Mais dès que ça se lance dans les effets spéciaux, dans le fantastique, ou dans la volonté horrifique, là, par contre... Ouais, ou dans l'envie de poser une ambiance, dès que ça veut faire ça, ça foire, quoi. Ouais. Et puis c'est trop long, quoi. C'est quand même 2h12, hein. Ouais, c'est un des plus longs qu'on ait fait pour le moment. C'est 2h12 et... Et clairement, j'ai pas envie de le revoir. Non, moi non plus. C'est pas ce que j'ai vu de pire pour cette émission, mais clairement, j'ai pas très envie de le revoir. Allez, tiens, effet spécial pas trop mal fait. À la toute fin, quand la mère de Carrie essaye de la tuer, et qu'on voit, tu sais, en vision X, on voit son cœur qui est pressé par la puissance de Carrie, c'est pas trop mal fait. Alors, moi, ça m'a un peu sorti du truc parce que ça m'a évoqué les effets similaires dans Dr. House. D'accord. Donc, oui, non, mais oui. Je t'avouerais que ça m'a pas mal sorti de l'intrigue. Là, pareil, en fait, je comprends la volonté de s'éloigner de Palma et de pas reprendre le lancer de couteau, surtout que vu l'ambiance de Scarilla, ça aurait été un peu. Oui, ça serait sorti de nulle part. Mais l'arrêt du cœur, bah, c'est pas très visuel. Et c'est dommage parce qu'en dehors de ça, je trouve la scène où elle prend son bain et où sa mère vient lui parler, c'est pas mal fait. C'est juste qu'il aurait fallu trouver encore une autre manière de tuer la mère qui serait plus adaptée aux médias visuels. Oui, je suis d'accord avec toi. Je parle juste vraiment de l'effet visuel en lui-même et pas trop dégueulasse. Contrairement à tous ceux qu'on a vus juste avant. Ouais, je te rejoins moyennement là-dessus pour le coup. Mmh. Mais voilà, c'est pas un film à fuir, mais effectivement, j'en retiendrai pas grand-chose en fait. Bah, c'est pas un film à fuir, mais c'est pas un film à voir non plus. Hein. Ouais. À moins que vous ayez vraiment envie de comparer toutes les versions de Carrie pour voir les réussites et les échecs de chacune. Voilà, bah vous en avez que 4 à voir, hein, ça va. Oui, on n'est pas à l'abri que... une suite, techniquement. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait une nouvelle version. Oh, bah là, elle est récente quand même, la dernière, 2013. C'est vrai, mais tu sais maintenant. Hein. Ah, bah déjà, tiens, c'est une petite digression. J.J. Abrams apparemment va faire une série sur la genèse de l'Overlook Hotel. Ah tiens. Et il va la faire entièrement ou il va juste pitcher et après se barrer comme dans plein de séries? Bah à mon avis il va juste pitcher comme d'habitude. Voilà, c'est ça. C'est un truc que j'ai pas du tout envie de voir, une série jeunesse sur l'Overlook. Pour moi le mystère fait partie de l'intérêt du truc. Mais bon. C'est le problème avec les séries qui veulent raconter les origines de quelque chose. C'est comme, on va continuer la digression, c'est comme la série qui te raconterait les origines de Pennywise, de ça. Enfin, mais du coup, c'est nul, quoi. Parce que j'ai pas envie de connaître les origines de la créature. Ouais, voilà. Parce que justement, ce qui fait peur, c'est que ça soit impalpable, c'est que tu ne saches pas d'où elles viennent. Surtout que dans le cas de J.J. Abrams, en plus, ça fait un peu le mec qui est en train de fouiller à fond, enfin d'épuiser le filon King, parce qu'il est aussi derrière les séries... 22, 11, 63, 67. Ah, c'est lui qui d'accord, c'est lui qui a chapeauté ça. C'est lui qui est producteur là-dessus et c'est lui qui est sur Castle Rock aussi. Ouais, exact, pour Castle Rock. Donc, faut peut-être qu'il passe un peu à autre chose, quoi. Je sais bien qu'il est frustré de l'échec de La Tour Sombre, mais. Mais il est temps d'évoluer, monsieur Abrams. Bah, après, Abrams, c'est quand même le réalisateur slash producteur des doudous. Hein. De quoi? Des doudous. Les trucs qui tiennent aux gens. Bah, il s'est occupé du reboot de Star Trek, il a chapeauté les nouveaux Star Wars, voilà. Ah oui, en ce sens-là, oui. Oui, c'est un réalisateur doudou, quoi. Ouais. Bah, il nous a refait un film ambiance années 80 avec Super 8, qui n'est pas totalement raté, Super 8. Moi, c'est un film que j'apprécie. De toute cette vague ambiance 80, moi, c'est même le seul que je tolère, hein, quasiment. Ouais, de cette vague nostalgie. Ouais. J'ai l'impression qu'il en fait son fond de commerce, Abrams. Ouais. Je sais pas si... Enfin, on verra bien, hein. Je les ai pas vus, ces deux autres séries autour de King, en réalité. On tombera bien dessus un jour. Castle Rock, j'ai vu que les premiers épisodes. C'est par manque de temps que j'ai pas continué, parce que les premiers épisodes, je les ai trouvés plutôt satisfaisants, pour le coup. Et si nous sortions de notre digression? Oui, sortons de notre digression, et est-ce que tu vois des choses à rajouter, toi, sur le téléfilm? Non, je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, c'est bon. Très bien, donc on va passer à une scène représentative. Très bien, donc pour le comparatif, nous avons choisi une scène pendant le bal. Lors du dernier épisode consacré au Carrie de Palma, on avait parlé de la scène des douches où Carrie a ses premières règles. Cette fois-ci, on va aller à l'autre bout de l'intrigue. Et plus précisément, l'arrivée de Tommy et de Carrie au bal. Je vais donc vous lire la version Albin Michel, publié chez Albin Michel, traduction de l'américain par Henri Robillot, et nous sommes à la page 156. George Dawson et Frida Jason se tenaient près du distributeur de coca. Frida arborait une espèce de robe corolle en tulle orange et ressemblait vaguement à un tuba. Donna Thibodeau ramassait les billets à la porte avec David Bracken. Tous les deux inscrits à la Ligue de Jeunesse, ils faisaient partie de la Gestapo personnelle de Miss Greer et portaient des pantalons blancs avec des blazers rouges, les couleurs de l'école. Tina Blake et Norma Watson distribuaient les programmes et faisaient asseoir les gens à l'intérieur selon les places prévues sur leur plan. Elles étaient toutes les deux en noir et Carrie supposa qu'elles devaient se trouver très chiques, mais elles évoquaient pour elles des vendeuses de cigarettes dans un vieux film policier. Tous se tournèrent vers Tommy et Carrie à leur entrée et pendant un instant plana un silence contraint, tendu. Carrie éprouva une irrésistible envie de se lécher les lèvres, mais parvint à la réprimer. Puis George Dawson déclara « Ben mon vieux Ross, t'en fais une bille !» Tommy sourit. « Depuis quand t'es descendu de ton arbre, Bomba ?» Dawson se rua en avant les poings levés, et pendant un instant la terreur submergea Carrie. Dans l'état d'anxiété où elle était, elle faillit soulever George et l'expédier à l'autre bout du hall. Puis elle se rendit compte que c'était entre eux un jeu familier, une complicité ancienne et bien rodée. Courbés en avant, la garde haute, ils commencèrent à décrire des cercles, émettant des grognements sourds, feignant de chercher l'ouverture. Puis George, qui avait été touché deux fois aux côtes, se mit à vociférer « Mort aux viettes ! Les Shintok, on les aura ! Dans les cages à tigres !» Et Tommy, baissant les poings, se mit à rire. « Surtout ne t'inquiète pas, » dit Frida, s'approchant de Carrie, son nez en coupe-papier penché de côté. « S'ils s'entretuent, moi je te ferai danser. »« Ils ont l'air trop bêtes pour tuer, » hasarda Carrie. « Des vrais dinosaures !» Et comme Frida souriait, elle sentit quelque chose de très ancien, engourdi depuis longtemps, se mouvoir en elle. Puis une onde de chaleur la parcourut. Soulagement, détente. « Où as-tu acheté ta robe ?» demanda Frida. « Elle est formidable !»« Je l'ai faite. »« Faite ?» Frida ouvrit de grands yeux, sincèrement surpris. « Sans blague ?» Carrie se sentit rougir terriblement. Oui, oui, c'est moi, j'aime la couture. J'ai trouvé le tissu chez Jones à Westover, le patron est très facile à suivre. Attention, attention, lança George à l'assistance. La musique va démarrer. Il roula des yeux tout en affectant de se déhancher outrageusement. Du nerf. Pour nous autres, Chicanos, faut du rythme à gogo. Lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur, George faisait une imitation de Flash Bobby Pickett à grand renfort de grimaces. Carrie parlait à Frida de sa robe et Tommy souriait, les mains enfoncées dans les poches. « Tu gâches la tenue de ton veston, » lui aurait fait observer Sue. « Mais merde, après tout, l'important c'est que les choses semblaient bien s'engager. Jusqu'ici du moins, tout allait bien. » Il leur restait à lui, George et Frida, moins de 2 heures à vivre. Et maintenant, la même scène dans le téléfilm. Hé, hey, sacré ménard! Et t'es beau comme un cœur? On en mangerait, dis donc! Oui, d'ailleurs, à ce qu'il paraît, je suis délicieux. Attendez, il y a déjà pas mal de monde qui croit que vous êtes gay, alors on se calme, hein, s'il vous plaît. Ouais. S'ils décident de s'enfuir ensemble, nous danserons toutes les deux. Où t'as dégoté cette robe? Je l'ai faite. Attends, tu te fous de moi? Je n'oserais pas. Non, sérieusement, c'est toi qui l'as faite? Oui, j'adore la couture. Et c'est un modèle très simple. Oh, quel cul t'as là-dedans! Quoi? Qui a parlé d'homo tout à l'heure, hein? Non, mais regarde! Elle dévergondrait tout un couvent avec ça, c'est magnifique! Oh merde, voilà Norma. Oh, salut, on vous laisse! C'était un compliment. Carrie? Ah, tu fais pas la blague sur le ralenti cette fois? Je me suis retenu. J'attendais. Je suis un peu déçu. Oh bah ouais, moi je la ferai au prochain si tu veux. Alors, qu'as-tu pensé de cette scène, tant dans le livre que dans le téléfilm, Chris? Alors moi, comme j'ai déjà dit, c'est quand même une scène longuette, parce que je trouve l'ensemble du film longuet, mais c'est vrai que les relations qu'entretiennent les personnages entre eux est plutôt bien écrite, plutôt agréable à suivre. Ça leur donne un petit peu de profondeur et ça participe au fait qu'on s'y attache facilement. Oui, d'ailleurs, je précise, je vais probablement couper une partie de la scène au montage, hein, parce que te mettre toute la scène, effectivement, il y en a pour 10 minutes. Oui, voilà. Oui, parce que c'est... On le répète, la scène du bal, ouf, c'est beaucoup trop long. Mais voilà, oui, les acteurs sont bons en plus, donc ça aide au fait qu'on croit vraiment à cette camaraderie entre eux. Je trouve que la version filmée, pour le coup, insiste un peu plus sur le fait que Carrie ne sait plus sur quel pied danser, parce qu'elle n'est pas habituée à cette camaraderie, elle n'est pas habituée à ce qu'on soit gentil avec elle, donc ça la met un peu mal à l'aise, limite elle a l'air de chercher un peu, si Anguille sous roche, à quel moment elle va se faire arnaquer. Ouais, elle est méfiante. Ouais. Elle pense toujours que c'est une blague et que le coup de couteau dans le dos est pas loin d'arriver. Alors, spoiler, il va arriver, mais pas venant des personnes qui sont avec elle actuellement. Oui, pas de la part de tout le monde d'ailleurs. Voilà. C'est très clairement, tout le monde est plutôt bienveillant avec elle, quasiment au bal. Et ça, pour le coup, c'est plutôt réussi aussi. Quand le sang de cochon lui tombe dessus, on voit vraiment que dans le public, il y en a qui se marrent, mais il y en a aussi qui sont choqués. Oui, il y en a même pas beaucoup qui se marrent. Voilà. C'est ça, par contre, c'est plutôt bien fait. On voit vraiment qui sont les salauds et qui sont les gens beaucoup plus bienveillants. Oui. Bah, la version de De Palma le faisait pas, vu qu'on voyait tout du point de vue de Carrie à ce moment-là. Donc elle avait l'impression que tout le monde se foutait d'elle. Ouais. C'est ça. T'as l'impression que tout le monde se moquait d'elle. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de cette scène ? Bah, moi, je la trouve bien. Après, la salle de bal en elle-même fait quand même... Chippos, quoi. Un peu piteux état, ouais. C'est ça. Alors, j'imagine qu'en plus, c'est un peu comme ça, hein, les salles de bal de fin d'année, en réalité, parce que ça doit être les étudiants qui font tout eux-mêmes. Et c'est vrai qu'au cinéma, on s'attend à... Enfin, dans un téléfilm, on s'attend à voir un peu mieux que ça, quelque chose qui vende un peu plus du rêve, quand même. Bah oui, clairement. Alors que là, bon, bah... Voilà, c'est tourné dans un vieux hangar pourri... Mais le téléfilm montrait bien, je trouve, au fur et à mesure qu'il y avait plusieurs des élèves qui étaient de moins en moins du côté de Chris, justement à partir du moment où Chris a sa confrontation avec la prof de sport et lui dit « je vais vous envoyer mon père vous faire un procès », on sent que la majorité des autres élèves sont plutôt du côté de Sue à se dire « non mais là, ça va trop loin, on est ça allé va trop loin, ouais. Alors il y a un moment, je ne l'ai pas signalé plus tôt, qui est un peu plus tard, qui m'a un peu fait tiquer. C'est quand, après que Carrie ait déclenché l'apocalypse, tu vois quelqu'un qui va prévenir Chris et son copain chez eux, mais comment ils ont fait pour pas s'en rendre compte ? Enfin, ça a dû commencer à péter une minute après qu'ils aient lâché le seau, en réalité, donc ils devaient être juste à côté, même s'ils ont fui rapidement. Ah, je sais pas, tu sais, les voitures, ça va vite. Hein. Ouais, enfin, faut déjà sortir de la salle de bal, quand même. Ah mais non, eux, ils sont à l'extérieur de la salle de bal, eux. Bah, pas au début, vu qu'ils lâchent le seau sur Carrie. Mais oui, quoi qu'il en soit, genre, ils sont chez eux, tranquilles pépouze, en train de fumer des clopes, genre, tout va bien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Alors qu'en plus, ça se voit un peu, quoi. Le pote qui décrit, il dit oui, il se passe des choses en ville, donc ça sous-entend qu'ils sont même pas en ville, qu'ils sont loin. Ouais, ils ont pas l'air si loin, hein, quand ils regardent par la fenêtre, après. C'est vrai que, enfin, tout est étrange, en fait, dans ce passage-là. Ouais, c'est un des moments un peu bizarres. C'est... Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Spatialisation un peu étrange. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, c'est une question que je me suis souvent posée devant ce film. t'es un peu dur. Ah, mais non, pas du tout. Et ouais, après, par contre, la réalisation des moments de transe de Carrie, notamment avec les effets de négatif, là, des couleurs, c'est vraiment ça. C'est laid, oh là là, c'est une laideur. C'est hyper cheap. En plus, les trucs qui interviennent avant les coupures pub, quoi. Oui, c'est ça, à chaque fois, en plus. Parce que ce découpage, bah, forcément, téléfilm américain, donc découpage en mode, bah, il faut une quinzaine de minutes environ par segment, et donc il faut qu'il se passe un truc à la toute fin pour que les spectateurs reviennent après la pub, quoi. Ouais. Et du coup, après, tu repars sur quelque chose de calme en général pour ensuite réavoir un moment de tension au bout de 15 minutes. Oh là, c'est vraiment les découpages en dents de scie, quoi. Mais c'est pas de la faute du réalisateur, c'est de la faute du format qui veut ça, quoi. C'est ça, en fait, c'est un format un peu compliqué à chaque fois à gérer la télévision. Si on l'a déjà signalé plusieurs fois que ça créait des problèmes, on l'avait déjà dit de Kingdom Hospital et de La Tempête du Siècle, je crois. Mais c'est vrai que c'est encore plus flagrant sur un téléfilm que sur un épisode de série télé. Oui, parce que sur un épisode de série télé, on sait que c'est là, donc on le prend mieux, je pense. Et puis il y a aussi le fait qu'un épisode de série télé, bah, à la fin d'un épisode, une histoire peut être conclue, donc voilà. Oui, aussi, ouais. Alors que là, bah, la conclusion, elle intervient à la fin, vraiment, des deux heures, quoi, donc... Bah, et on sent que c'est censé partir sur une suite, en plus. en plus. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'on va pouvoir le classer. Je pense qu'on peut aller au classement. Alors, c'est parti. Alors, donc, pas besoin de classer le livre, c'est déjà fait. Et pour le classement des films, nous avons aux trois premières places Carrie de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom et Cujo de Levi Stig, et aux trois dernières Les démons du maïs de Donald P. Borcher, Jesse de Mike Flanagan, et en 18e Le fléau de Ming Harris. Vous retrouverez la liste complète dans la description. Et donc, ce Carrie-là, où est-ce qu'on va le mettre ? Alors, où est-ce qu'on pourrait le placer ? Moi, j'ai ma petite idée. Alors, moi, j'ai ma petite idée, c'est dans la zone... c'est dans la zone couple modèle, Salem et compagnie, je trouve. Ouais, ça va même en dessous pour moi. En dessous de Salem ? Moi, je préfère même revoir, pour le LOL, je préfère même revoir Dreamcatcher pour le LOL. Ah oui, effectivement. Ah bah, et je me suis vraiment ennuyé sur les 2h12 que dure ce Carrie-là. Je me suis un peu ennuyé, mais j'ai quand même trouvé que la performance d'acteur, les relations entre les personnages réussissaient à donner un certain intérêt au film qui, pour moi, le place plutôt au-dessus de Salem, tu vois. Mmh. Ouais. Salem avait peut-être des meilleurs effets spéciaux, en soi. Ça, c'est pas faux. Bah ouais. Il était mieux réalisé. Mais il était moins bien joué. C'est moins bien joué, mais bon... Après, à côté, je préfère revoir L'année du loup-garou et je préfère revoir Dreamcatcher, quoi. Ah, c'est compliqué, là. Ou alors entre Dreamcatcher et Peur Bleue. Ouais, à la limite. On le remonte un petit peu. Disons, on le remonte un petit peu. Ouais. Parce que Dreamcatcher, je trouve ça un peu dur quand même. Parce que c'est vrai que Dreamcatcher, mis à part la photo, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, quoi. Ouais, il y a 2-3 moments un peu rigolos et puis il y a du caca, mais c'est, enfin voilà, c'est, on a vite fait le tour quand même. Ouais, non, mais il y a vraiment que la photographie qui a sauvé dans Dreamcatcher. Et la musique. C'est vrai, et la musique. Mais oui, en dessous de Peur Bleue encore, je veux bien, ouais. Ouais, parce que au moins Peur Bleue, entre amis, tu rigoles. Ouais, mais je trouve qu'objectivement, Carrie aurait plus de qualité cinématographique, entre guillemets, que Peur Bleue. Mais je comprends qu'on puisse le mettre en dessous, ouais. Ou alors au-dessus. Moi, si j'avais dû choisir, comme je te l'ai dit, je l'aurais mis au-dessus de Salem, donc ouais... Au-dessus de Peur Bleue, ça m'irait bien. Du coup, on coupe la poire en deux, entre Salem et Peur Bleue. Ouais. C'est en précisant qu'effectivement, c'est... Enfin, je pense que le fait qu'on ait vu la version de Palma aussi a nécessairement une influence sur nos avis. Hein. C'est quand même très dur de ne pas faire le comparatif à un moment. Ah bah oui, mais bon, ça, c'est le jeu. Hein. T'es meilleur réalisateur, tant pis. Hein. Oui. T'as fourni un meilleur boulot, tu vas pas être sanctionné pour ça. Ah oui, non, je suis d'accord. Ouais, entre Salem et Peur Bleue, ça me vient. Ouais, j'ai quand même pris beaucoup plus de plaisir à voir Salem. Hein. D'accord. C'est, moi, en fait, j'en ai eu quasiment pas de souvenirs de Salem. Je me rends compte que je l'ai déjà quasiment oublié, en fait. Sorti de Sutherland en méchant. Ouais, mais du coup, dis-toi que ça va être pareil pour ce carré-là. Oh, probablement, oui. Donc voilà. Oui, on est d'accord. Alors que c'est vrai que couple modèle, au moins, ça laisse des petits souvenirs. Bon. On peut pas aller au-dessus, clairement. Ouais. Non, mais moi, ça me paraît bien, entre Peur Bleue et Salem. D'accord, donc ça prend la 13e place. Donc ce qui fait un classement, encore une fois, où il y a des raisons très différentes au placement, parce que Peur Bleue et Carrie ne seront pas du tout côte à côte pour les mêmes raisons. Non, mais c'est ça qui est drôle dans le classement. Oui, aussi, oui. Donc Carrie de David Carson. Bien loin du Carrie de Palma. Effectivement, en même temps, il a la première place, donc... plus de 10 places d'écart. Ça aurait été drôle en même temps d'avoir si tous les caries étaient excellents et que la, qu'au bout d'un moment, notre top 3, c'était que des caries. Ça serait drôle. Mais non, spoiler, ça risque pas trop d'arriver, je pense. Après, si t'as autant de caries, tu vas chez le dentiste. Hein. Oh, bravo, oh, on avait réussi à l'éviter de la dernière fois, celle-là. C'est bon, c'est fait. Po-po-po-po. Ouais. Bon, bah, je pense qu'il est temps de conclure. Ah ouais, sur cette belle note. Sur cette belle note. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le journal d'Hélène Rimbauer de Craig Baxley. C'est ça. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, @augrédesbulles pour moi. Ouais, sur Twitter. Moi, je suis aussi sur Facebook, l'archiviste du cinéma. Voilà, moi, j'y suis pas parce que Facebook, c'est pour les vieux. Pas plus que ça. Il paraît qu'il y a une nouvelle version qui arrive en plus. Qui est encore plus dégueulasse que l'ancienne. Oui, mais on peut mettre le mode nuit, ça c'est bien. Ah oui, c'est vrai que c'est révolutionnaire. Tiens. Facebook invente le mode nuit, quoi. Et j'ai pas dit que c'était révolutionnaire, j'ai dit que c'était bien. Ah, mais je me moque. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, même si on est plus ou moins fluctuant dans notre participation. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur Gamers Bizarre Adventure. Ça mange pas de pain. Et n'hésitez pas non plus à laisser des avis, à partager ce podcast, ça aidera à le faire connaître à un plus large public et ça nous fera bien plaisir. Si vous écoutez sur PodCloud, maintenant PodCloud permet la notation et les commentaires. Podcast Addict permet la notation et les commentaires sur les podcasts. C'est une nouvelle feature de l'application. C'est étonnant qu'il s'y soit mis si tard. Oui, bah, effectivement, c'est ce que je me suis dit aussi. Et nous animons d'autres podcasts aux côtés de Necronomicor, mais qui sont pour l'instant en pause pour des raisons logistiques. Voilà, donc Casse sur table, dédié aux comics, manga et BD. C'est ça, et La guerre des clapes, consacrée au cinéma. C'est ça. Et donc à dans 2 semaines, et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.